te cherche partout. Viens vite, sinon moi tombe dans un lac. La danse, hein. Marquez le pas, c'est la danse. Un, deux, un. Le réveil de l'Afrique au saut du lit.